Mais t'as envie de quoi ça drôle, va être tiède d'être à ta console déconfortable. On a DJ Josh avec nous à 70%, c'est très très heureux. Qui ici croit en Jésus? On sent, ouais. Ça peut partir un débat plate. T'sais. Et on l'a parmi nous. Ouais, c'est ça. Ouais, y'a. Tabarnak, man, un de mes bands, ça. Imo avant le temps, hein. Dans le premier clip qu'ils ont fait, là, ça c'est Pale Shelter, là. Ils lancent plein de d'avions en papier au début. Puis Roland Arzabal, qui est le leader du groupe, il reçoit, on le voit dans le clip, là, il reçoit un jet direct dans l'œil. Puis ça, en fait, il a failli perdre son œil à cause de ça. Fait qu'il faut pas niaiser avec les avions en papier. C'est ça. Un excellent album. D'ailleurs, le premier album de Hurting a été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Puis quand ils l'ont enregistré pour la première fois, il y avait 14 ans, les deux gars. Puis Roland Arzabal, il a choisi Kurt Smith comme son collègue parce que Kurt Smith, sa voix avait déjà mué. Puis il avait besoin de quelqu'un qui chante comme quelqu'un, un eunuque qui appelle... Jordi avait 5 ans, lui. Et voilà, Jordi a enregistré à 5 ans. On est là pour 70%. Ça va être toute une belle aventure. C'est un show live. DJ Maestro, on va y aller pour un petit peu notre tune thème. Ah, ça s'est commencé, là, c'est ça? Ouais, ouais, on est live. Tiens. Faut que je le tienne tout le long du show. Au jeu du cul blanche la nuit. C'est Edgar Bory qui nous a fait une tune parce qu'il respecte ce qu'on fait. En bon doute. On va casser des yeux. J'ai déposé le. Voilà. Moi, j'aimerais mieux que tu la tiennes un petit peu encore. D'abord, tapant sur nos dirigeants, abuseur d'économie. C'est louche qui se pousse avec notre. On a Julien Bernacchi, donc chroniqueur BD vedette de 70%. Ça fait combien de temps qu'on fait ça ensemble? Ah, 3 ans, je pense. Ouais, ça passe pas vite. Ça passe pas vite, là. Ouais, c'est des longues années. C'est pas tout le temps facile. Et on a bien sûr DJ Georges, alliance Étienne Forêt, qui a besoin d'exposure tranquillement avec ton show à TV. Puis t'essayes de comme faire ton rip-off, partir. C'est ça. Je fais mon spin-off, qu'on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas rip-off. Excuse. Rip-off. Donc, à 70%, on est des collectionneurs. On est comme le bras qui s'exprime de douteux.org, un organisme à but non lucratif qui vise à ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle des gens. Et pour ce faire, on est des grands archiveurs, on est des amoureux de collectionner tout ce qui est varié et bien sûr, après ça, des diffusés. Ça me permet à ce moment-ci de l'exercice de prendre quelques instants pour remercier beaucoup le Geekfest d'avoir pensé à nous tout d'abord et à l'excellent Hôtel Espresso, duquel on a une page de publicité à subir tous ensemble. Ça va rester dans la tête. On va la mettre dans l'émission encore. Yo, la coche production, Rebecca Jean, tu connais? Un hôtel pour la nuit, l'expérience pour la vie. Si tu viens à Montréal en voyage d'affaires ou bien en famille, ne cherche pas plus loin, perds pas ton temps et ramène-toi ici. L'hôtel Espresso, une place de choix au cœur du centre-ville, à proximité des restos et des boutiques les plus in ici. T'en as pour ton argent, c'est bien plus qu'un hôtel, c'est une expérience. va donc voir un type. Si tu tournes nos chambres, belle, attends de voir les suites. Que tu viennes avec Chantal, Lise ou Marilyn. Y'a de la place en masse, tout le tour de la piscine. À l'hôtel espresso, à l'hôtel espresso. Y'a tout ce qu'il faut à l'hôtel espresso. Si tu veux te gaver, on a même un resto. Puis après y'a un gym pour tes kilos en trop. À l'hôtel espresso, à l'hôtel espresso. That's where you wanna go, à l'hôtel espresso. Discrétion assurée si t'emmènes une bimbo. Mais si ta femme te pogne, va pas te plaindre au dire-lo. À l'hôtel espresso, un hôtel rénové. Un service. Tu peux tromper ta femme. Surtout pas oublier le café gratuit à l'entrée. Elle va pas te faire l'hôtel espresso. D'ordinateur pour surfer. Un 877 hôtel 50. À l'hôtel espresso, à l'hôtel espresso. On en sort maintenant. Ça, c'est une de mes séquences préférées. Si tu veux te gaver, on a même un resto. T'sais, après, elle chantait même pas dans le bon bout du téléphone. À l'hôtel espresso, à l'hôtel espresso. Je vous entends pas. À l'hôtel espresso. Discrétion assurée si t'emmènes une bimbo. Mais si ta femme te prend. Ils disent deux fois, hein. Discrétion assurée si t'emmènes une bimbo. Il y en a plusieurs ici d'ailleurs. On les salue. On salue les bimbos de l'hôtel espresso. Salut bimbo. Et donc, 70%, c'est un exercice très, très pan-médium. On est tout à fait pour la réappropriation culturelle. Ce qui fait qu'on s'est allié à un DJ qui collectionne l'audio. Moi, je suis un petit peu le jack of all trades et spécialiste dans rien. Et on a Julien Bernacci qui, lui, se spécialise dans la bande dessinée. C'est exact, Tommy. Et à ce moment-ci, ben, c'est toi qui commences ta chronique bande dessinée. T'es live, Julien. Comment tu vis ça? Là, faut que je fasse une chronique, là? Ben, d'habitude, c'est pour ça qu'on t'appelle. OK, bon, ben, je vais essayer d'abord. C'est alors, vrai qu'on s'ennuyait un petit peu. Oui, ouais. C'est exact, Tommy. Je suis un spécialiste en bande dessinée. Je lis pas tout le temps, mais j'en parle. Je m'en parle. Mais j'en parle. Je regarde les couvertures, je regarde... Puis on se tourne souvent vers moi pour les nouveautés de jeux vidéo, hein? Alors, j'ai réalisé cette semaine qu'on pouvait louer des jeux à la bibliothèque. À la grande bibliothèque, vous irez faire un tour. Il y a des jeux d'Xbox, il y a des jeux de Wii. Fait que c'est pas un moyen de m'acheter des jeux. Fait que je suis allé là et j'ai loué le jeu Astérix aux Jeux Olympiques. Alors, ça a l'air bon. Puis, je pense qu'on a des images. C'est comme tes deux mamelles bénies, toi, ces jeux vidéo. Et Astérix. Ouais. J'aime beaucoup. À la folie. Peux-tu me dire, Obélix, le fier amoureux revenu de Grèce. Je vais le dire tantôt. Qu'est-ce qu'il y a en tout cas, là, j'ai pas tapé l'image du jeu, mais je sais pas comment faire ça, mais ça, c'est sur YouTube. Voilà. C'est toi? C'est toi, Julien? C'est moi. Voilà. Ouais. T'es dans le jeu? Je suis présentement dans le jeu vidéo. Quelle chronique? Écoute, ça m'a demandé beaucoup de temps à faire ça, là. Ça, c'était Stéphane Rousseau. Là. Ouais, mais je vais y venir. Oui, c'est Stéphane Rousseau. Alors, voilà, il y a beaucoup de jeux vidéo basés sur des comics de bande dessinée américaine, Batman, c'est tout. Mais il n'y en a pas souvent sur les héros européens. Et on va comprendre pourquoi. On se rappelle sans doute de ma chronique sur Gaston au PC. Ça existe. On s'en rappelle. Tout s'en rappelle. Titeuf au Game Boy Color. Ou Spirou au Sega Genesis. Les Schtroumpfs au Paint. Les Schtroumpfs au ColecoVision. Mais je n'avais pas encore touché à Astérix au Xbox. Mais en tout cas, en deux mots, je vous dirais... Obélix, non! C'est ça ma critique du jeu en deux mots. C'est excellent. Donc, 8 sur 10. 8 sur 10. Le jeu est conçu par Étrange Libellule, un studio français qui a fait entre autres un jeu de Kirikou au PlayStation 1 et un jeu de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton au Nintendo DS. Fait qu'on sait qu'on est en de bonnes mains. Le jeu suit vaguement l'histoire du film le moins aimé de la franchise. Ça commence par eux qui cherchent des sangliers. On le voit ici. Ça c'est vraiment le fun, ce bout-là. Puis ça finit par un banquet, je présume. Je l'ai pas fini. Dans les points positifs, il y a mon héros, l'unique Roger Carrel, 85 ans. Ben oui. Celui qui fait la voix de C3PO, de Alf, de Benny Hill, de Winnie l'ourson, de Maestro dans Il était une fois l'homme, le bonhomme avec une barbe. Et surtout, d'Astérix dans chacun des 9 films d'animation. Reprend son rôle. Il fait Astérix là-dedans. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Sinon aussi, un instant. Oui. Il donnait l'impression de l'avoir fait vite pas mal, par exemple. Je pense qu'il a fait ça un après-midi, parce que des fois, il perd la voix d'Astérix un peu, mais c'est pas grave. Aussi, le jeu est très court. Ça, c'est cool. J'ai joué 2h20 minutes, et j'en ai fait 53% du jeu. Fait que faites le calcul. Vous ne perdrez pas trop de temps avec ça. Fait que t'en as pour ton 60$. Aussi, dans les points positifs, c'est, à ce que je sache, sauf erreur, c'est le seul jeu avec Stéphane Rousseau dedans. Quand même, je veux dire, ça a été cool. Tant qu'à moi, il pourra avoir Stéphane Rousseau dans tous les jeux, mais C'est ça. Dans les points négatifs, sinon, ben, il y a beaucoup d'autres jeux sur le marché. Fait que tu peux, tu sais, supposons, tu peux, à place de jouer à ça, tu peux jouer à d'autres. Tu peux jouer à d'autres jeux. Ça, c'est vraiment mais, le point mais faible. Les autres jeux n'ont pas Stéphane Rousseau. Non, c'est ça. Faut faire des choix. Parce qu'on vit, on vit un nombre de temps limité. T'sais, éventuellement, on meurt. Ah, ça, tu me l'apprends. Ben, Étienne était convaincu qu'il vivrait. Tiens-toi-en à BD et aux jeux vidéo. Va pas dans la philosophie. Non, j'ai pas dans la philosophie. Tu m'aurais dit ça avant, j'aurais fait plein de choix différents, man. Fait que. Et le fait. Tu viens de nous le mettre à terre. Ben oui, je sais que. Merde. Et le fait qu'il y a d'autres jeux sur le marché est assez accentué par le fait que des jeux, des copies d'Astérix, généralement, il y en a une ou zéro dans les magasins. Fait que vraiment, tu vois tous les autres jeux que tu peux jouer. Aussi, sinon, ben, c'est ça. Il y a des puzzles comme Zelda, là, un peu, comme de pousser des blocs. Il y a ça beaucoup, en fait. Puis, tu sais, déjà que de jouer à Astérix, ben, c'est un peu perdre du temps. Ben, en plus, de rester pogné quand tu joues à Astérix, ben là, tu perds vraiment, vraiment ton temps. Puis, ça m'arrivait souvent de rester pogné. Parce que je suis pas bon dans les puzzles. Là, ça me déprimait. Puis, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le jeu sur Internet non plus, parce que personne ne joue à ça. Il n'y a pas eu de walkthrough de fait. Ben, on voit. Non, il n'y a comme pas de game fac. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves quoi faire. Tu vas être le premier à le faire, par contre. Je préfère le game fac, mais ouais. Ben, ma chronique un peu résume le jeu, de toute façon. Alors voilà, c'était Astérix aux Jeux Olympiques à la Xbox 360. Je donnerais quand même un 9 sur 10. Parce que, voilà. Très sévère. Un 60$ bien investi, comme je disais. Je conseille à tout le monde 4h30 de plaisir. Il faut encourager le studio Lubellule, machin. Parce ouais, ils en feront plus. Ben, ils feront plus d'autres jeux de basés sur des films pour la Wii. Mais toi, tu penses que de ça. C'est le moins apprécié des films de la franchise, des films d'Astérix? Oui, moi, je l'affirme. OK. De loin, même. De loin, oui. Ah, de loin? Ben oui. Parce que le premier, c'était... Le premier n'est pas très bon. Le deuxième, il est bon. Le troisième est pas bon. Le quatrième, est-ce ça que tu penses que c'est Stéphane Rousseau qui est venu changer le... Oh, je pense pas qu'il y ait autant pendant de pendant qu'on book ça, hein, mon cher DJ, prépare ta toune. Tu peux commencer puis nous en parler un petit peu aussi. Ben, ça va l'air le fun, hein? On va avoir l'excellent Astérix en background, en plus. Ah oui, on va c'est parfait. Là, hein, c'est... Qui ici a déjà réussi à lire un Tintin au complet? Ah, vous êtes vieux, hein? C'est... Ouais. Plusieurs personnes. Moi je suis un des premiers cadeaux que j'ai eu, là, c'est ma tante qui m'a donné le Tintin au Congo qu'il y a dedans, Missier. Puis il y a un bout là, qu'à un moment donné, Tintin, il va driller le dos d'un rhinocéros, puis il met un bâton de dynamite, puis il fait exploser le rhinocéros. Ouais, je me rappelle de ça. C'était très écologique. Ben, Hergé a dit avoir regretté éventuellement toute la violence faite aux animaux dans cet album-là, mais je pense qu'il aurait dû regretter tout l'album. Ouais, c'était les débuts. Hein, c'était ouais, c'était les débuts, mais Tintin, bon, il était jeune. Mais bon, Il était en 1930 au Congo. Tintin, c'était un idéaliste. Ben oui. Bon. DJ Georges, donc, merci beaucoup, Julien Bernatchez. On applaudit un excellent, petit peu. Là. Hein? C'est ça, c'est ça. Bravo. Mettez-y du cœur, quelque chose. Ouais, j'ai aucun mérite. Arrêtez! Plus de Bernie! Non, j'ai aucun mérite, c'est Astérix. Et ça nous amène à l'unique DJ Georges, responsable du volet audio de notre équipée de l'exploration des choses underground. Tout à fait. Je me spécialise dans la musique poche, quétaine, décalée, improbable, absurde, en ce genre. Douteux, à un moment donné. Douteuse également, oui, ouais, tout à fait. C'est ça qu'on appelle douteux. Oui, c'est ça. Donc, en gros, j'ai une station de radio web qui s'appelle Radio Cochonnerie, dont le slogan est « Si c'est poche, on l'a ». Donc, vous irez voir ça. Radiocoche.org, ça joue 24 heures sur 24, random. Donc, je suis pas du tout maître de ce qui se passe là-dessus. Et puis, là, on m'a dit qu'aujourd'hui, il y aurait des geeks dans la salle. Donc, je me suis forcé quand même pour trouver des chansons poche ou bizarre, à tendance geek un peu. Selon moi, la pire, puis on va commencer par celle-là pour vider la salle un peu, parce qu'on on nous a dit que si on pouvait couper rapidement, ça serait bien vu qu'ils sont un peu en retard. Donc, je me suis dit, pas de problème. Je vais faire jouer du Wing. Wing, plusieurs d'entre vous semblent la connaître. Pour les autres, ben Wing, c'est South une... Park, beaucoup, je pense. Oui, ben voilà, elle a passé dans South Park, mais du moins, on l'a représentée dans South Park. C'est une vieille madame chinoise qui a habité longtemps en Nouvelle-Zélande, mais qui est retournée en Chine récemment, mesdames, messieurs, et qui enregistre plein de disques qui sont tous des covers. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend plein de tunes qu'elle aime, elle trouve la version MIDI cheapo sur Internet, probablement, elle fait jouer, elle chante, elle l'enregistre, puis elle le vend, puis moi, je l'achète, puis c'est pas mal là que ça s'arrête d'habitude. Peux-tu... ben non, mais on le diffuse. On le diffuse, en oui. fait, on s'en va à la dernière étape. Exact. Après ça, moi, je diffuse. Peu de stations de radio jouent du Wing. C'est quoi la citation qu'a dit, la citation exacte? La citation exacte que Wing dit, puis ça vient même dans un fichier texte qui est livré avec les MP3 quand on achète ses albums, ça dit qu'elle chante les chansons comme elles auraient dû être chantées. Donc, check it back in black. As it should have been sung. Donc, normalement, c'est ça. Puis là, je me suis dit, moi, je vais y aller avec une chanson qui a rapport avec la culture geek. J'ai pris... C'est vous autres. Oui, c'est vous autres. J'ai trouvé l'album ici, Safe Computer. Donc, on voit qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ordinateur récent qui a été utilisé pour faire la photo. Il y a deux lecteurs, 5 écarts. Ça faisait longtemps, j'en avais pas vu deux sur une même photo. Puis le clavier, il est pris après l'ordi. Oui, c'est ça. Puis voilà, ça me rappelle un peu mon enfance. Et puis, cette chanson-là, Safe Computer, ben c'est pas un cover. Parce que récemment, dans sa carrière, elle s'est mise à créer ses propres œuvres. Une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, je pense que tout le monde y gagne. Donc, je vous passe ça, Safe Computer de Wing. Peut-être que d'autres vont reprendre ces tunes. C'est-tu une particularité intéressante, c'est qu'elle chante très aiguë. J'ai oublié de le mentionner. The swing. Are you ready? Let's go. Computer sing. Computer swing. Computer walk. Computer won't walk. Yeah, let's go. Wiki, wiki, wiki, wiki, Wikipedia. Ça, c'est beau. Donc, c'est pas une blague. Ça, c'est pour vendre des albums. C'est pour vendre des albums. Ouais, ouais. Voilà. On l'écoutera pas au complet, là. Ouais, je sais. Et toi, Étienne, c'est quel ton Corey Hart préféré? Tu veux dire la chanson de Corey Hart ou le Corey Hart? Je pense que c'est celui qui a marié Julie Mars. Ouais, il est peu connu. Il y a le mari de la chanteuse Julie Mars que tout le monde connaît. Voilà. La tune est à propos que son ordinateur est sécuritaire, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que elle a installé un firewall made of pewter, safe computer. Donc ça, c'est le refrain, c'est ce qu'elle nous dit. Fait que je vous défie maintenant d'aller changer un jour les paramètres de votre firewall sans avoir ça dans la tête. Automatiquement. Mais sinon, Wing, on va l'arrêter. Il y a une carrière, hein, il y a plusieurs albums autour de Wing. Ça, ah oui, Wing. Ça se trouve assez facilement, puis vous allez le regretter longtemps. Fait que, à vos Google. Ah oui, on en a fait plein. Ben, en fait, moi, je vous recommande d'aller, même pas besoin d'aller sur Google, aller directement à wingmusic.co.nz. Tous ces albums sont là. Ils sont souvent super pas chers. C'est genre 3-4 piastres. Là, pis, c'est sûr, il y a juste deux tonnes dessus, mais ça vaut quand même amplement la peine. Juste pendant qu'on parle de Wing, je peux vous faire jouer rapidement 2-3 petits covers intéressants. Par exemple, ici, tiré de son album Beat It. Elle a repris la chanson... Beat It. Alors on voit Wing ici dans toute sa splendeur, qui est en train de battre un equalizer, si je ne m'abuse. They told him, don't you ever come around here. Don't want to see your face before disappear. C'est comme ça qu'elle aurait dû être chantée, chanson. C'est comme ça. And the words are really clear. So baby, just baby. Et pas tout à fait tout le temps dans le temps. Mais ça, c'est voulu. C'est de même qu'il fallait chanter la toune. Refrain maintenant, tout le monde. Tu vas nous mettre celle de AC/DC? Ton remix est excellent. Eh oui, écoutez, c'est sûr. Misère. Les premiers albums de Wing, c'était ça. Elle chantait Michael Jackson, Céline Dion, Barbara Streisand, les Beatles. À la limite, tu sais, je trouvais que ça fitait quand même un peu. Mais quand j'ai vu un jour qu'elle a sorti cet album-là, Wing Sings AC/DC, je me suis dit, sérieusement, qui lui a donné l'idée? Puis là, ben, elle a repris là-dessus Highway to Hell. Alors, hein? Ça groove. C'est pas des jokes! Non, elle la blague pas. Puis elle fait la tournée, des hôpitaux puis des maisons de personnes âgées pour les acheter. Pour chanter ça. Ça libère des lits, ça là. Attention à la première phrase. Living easy, living free. Living free. Season tickets on a one-way ride. Asking nothing. Ça, c'est comme ça qu'elle aurait dû être chantée. Depuis le début, on écoutait l'autre version tout croche, mais là, ça, c'est la bonne. Don't need reason, don't need right. On va t'offrir jusqu'au refrain, au moins. On lâche pas! J'en vois en arrière, là, qui écoute pas. J'en vois deux qui se pendent en arrière, s'il vous plaît. Refrain. Il y a du feu dans ses yeux là. Ok, on a fait un refrain. On a fait un refrain, c'est bon. Ok. Oui, mais ne me remerciez pas, remerciez Wing. Ok, Wing Sings ACDC, ça c'est un des albums qui a juste deux chansons dessus. Sinon, il y a un autre album que je cherche un instant. Je vais le trouver. Ouais, c'est ça. Lui, il dit, on y va jusqu'au refrain, puis après, oh, excuse, je cherche mon autre album. Tu veux l'écouter au complet, ouais, désolé. Ouais, ouais, lentement, c'est ça mon truc. Voilà. Ah, une fois que j'ai vu Wings Sings ACDC. C'est vraiment comme une poche de chat qu'on donne. Tu sais qu'on s'est rendu à l'autre refrain, hein. Mais j'étais déjà extrêmement satisfait de cet album-là quand, quelques années plus tard, je suis tombé sur celui-là. Wing Sings More CDC à la demande générale, évidemment. En Nouvelle-Zélande, le monde est spécial. Fait que là-dessus, il y a Hell's Bells qui est excellent. Il y a 4 tunes, celle-là. C'est de la vraie guitare, ce coup-là? Presque. C'est encore une fois pas une blague. Non, non, c'est tout sérieux. C'est pour vendre ça. Des albums. En tout cas, moi, je les achète systématiquement. Je vous conseille de faire de même. Là, vous êtes chanceux si vous n'en avez pas. Parce que vous allez arriver sur wingmusic.co.nz puis vous allez voir 17 albums qui s'offrent à vous. Là, c'est du plaisir. Par lesquels tu nous conseilles de commencer? Écoute, moi, je dis, regardez les pochettes et les titres puis laissez-vous guider par votre cœur parce que ça dépend beaucoup de chacun. Mais personnellement, les albums des CDC, je les adore. Celui des Beatles est excellent aussi. Beat It, c'est super. Puis sinon, ben, tous les autres après sont excellents. Je vais avancer un peu la toune. Voilà. Tu vas en mettre quoi? Une ou deux autres après, mais pas de Wing? Ouais, je vais changer de... Ben parce qu'il collectionne plein de tunes. Hein? Oui, je fais pas juste écouter du Wing. Mais c'est parce que quand je pars dans Wing, je suis dur à arrêter. Merci de me ramener à l'ordre, Tommy. Avec plaisir. Une autre affaire qui est excellente, que probablement vous connaissez déjà, c'est ceci, mesdames, messieurs. Le dernier album de William Shatner, qui s'appelle Seeking Major Tom, qui est un excellent album, son meilleur de tous les temps. En fait, il en a fait plusieurs dans les années 60. Ah, il y a plusieurs albums dans les années 60. Oh, il y a plusieurs. Ah, tu pensais que je niaisais, hein? Ben non. William Shatner, lui, il a déjà admis qu'il ne savait pas chanter. Puis qu'il trouvait ça dommage parce qu'il adorait la musique. Fait qu'il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de la musique sans chanter ni savoir jouer d'un instrument? Ben, je pourrais faire des dizaines d'albums. Et voilà, tout en parlant par-dessus les chansons. Fait que par exemple, si on écoute un grand classique ici... C'était Wing. Donc, tout le monde connaît Space Oddity, normalement de David Bowie. Là, on a la version William Shatner ici. Il est né dans le même quartier que Corey Hart, hein? 2013, l'année Corey Hart. Ground control to Major Tom. Voilà. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il parle les paroles avec l'émotion. Ground control to Major Tom. Avec l'émotion. Ouais, l'émotion qu'il peut faire. Take your protein pills. Put your helmet on. Ground control to Major Tom. On l'imagine, hein? Commencing countdown. Engines on. Engines on. Check ignition. And may God's love be with you. Lift off. Oh, là, ça part au poste. Non, là, ça part. Engines are on. 13 pills have been taken. This is ground control to Major Tom. Lui, il part jamais, par contre. Really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Bon, fait, vous avez une idée un peu de genre? Now it's time. Ça reste dans même tout le long. La toune dure combien de temps? La toune dure 4-5 minutes. Ah, c'est raisonnable. Ouais. C'est pas mal en fait, il reprend la toune presque telle quelle, c'est juste qu'il parle par-dessus. Par exemple, on a ici Major Tom, entre parenthèses Coming Home, qui part, qui commence par des effets sonores de Countdown puis tout, là. On va avancer. Il va chanter le Countdown. Voilà. Grand succès de Peter Schilling, interprété par William Shatner ici. Standing there alone, the ship is waiting. All systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. Peut-être tu vas revenir un petit peu plus tard dans l'émission, Étienne, qu'on va écouter quelques clips hein, pour se désaltérer les intérieurs. On va laisser la salle digérer tout ça. Laisse un petit bout, tu feras le clip du Rainbow Road. C'est bon. Trying to relax. Mais William Shatner, c'est moins bon qu'Wing, mais c'est canadien. C'est moins bon qu'Wing, mais c'est du terroir. C'est du contenu canadien. On est disponible sur Iso One. Exactement. Ouais. J'ai une anecdote là-dessus. Moi, d'habitude, quand je peux, j'essaie d'acheter pour vrai les albums, tu sais, pour encourager les artistes à continuer à en faire d'autres. Les artistes, comme William Shatner. Et William Shatner est canadien, et son album, quand il est sorti, j'ai jamais trouvé un seul site qui acceptait de le vendre à un Canadien. Fallait être aux États-Unis. Fait que j'ai été obligé de le downloader sur Iso Hunt, donc il est disponible là, si jamais vous le cherchez. Second stage is cut. Voilà. Si jamais. On sait jamais. Donc, Ou sinon, vous le demandez à DJ George sur radiocoche.com. C'est un plaisir de vous aider. Oh, on dirait que j'ai pas parti de production. Rebecca ici, l'hôtel Espresso, une place de choix au cœur du centre-ville, à proximité des restos et des boutiques. À l'hôtel Espresso. C'est nous autres, on le vit, là. C'est plus qu'un hôtel, c'est une expérience. C'est plus qu'un hôtel, c'est une expérience. C'est, un, titre, c'est, tout c'est un toit pis des murs, c'est l'hôtel Espresso. It's called a road, it's called a rainbow road. It's a road that you go. It's called a road, it's called a rainbow road. And you will know when you get there. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. It's a road that you go when you die. Oh no, buzzer! It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. It's a road called Rainbow Road. It's got Princess Peach, Mario, and the Toad. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. We'll go. It's Rainbow Road. It's where you go when you die. It's Rainbow Road. I'll miss you again, Uncle. C'est Bouchard. It's Rainbow Road, it's on devinerait jamais que c'est un homme violent en voyant ça. Là, il y a sa petite danse, elle est vraiment cool sa petite danse. C'est à se rappeler ça. Donc, à douteux.org, on est aussi très reconnu pour les visionnements qu'on fait au brouhaha et dans 8 villes au Québec à chaque lundi. Et c'est tout le temps des longs métrages un petit peu douteux, franchement douteux, qui sont votés sur le site au www.douteux.org. Et au travers de ce cosme-là, on s'est trouvé des lois sine qua non qui nous font vibrer, dont celle qui s'en vient là. C'est une des lois les plus importantes. Seul un ninja peut détruire. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja. Ce qui nous amène... Admettons que moi, je suis un ninja. Est-ce que je peux détruire un ninja? Je pense que oui. Oui, je pense qu'on on a bien établi la chose. Est-ce et que donc, c'est vrai, ça? Que moi, en tant que spécialiste un petit peu des longs métrages qui sont de qualité douteuse, j'aimerais vous faire part aujourd'hui de ces héros enchantés du cinéma de genre spécial. Quelqu'un qui fait que notre aventure dans le cinéma de genre est quelque chose qui est tout le temps éclairé, illuminé, qui est tout le temps égayé par sa présence. On va écouter une première séquence et on va voir si vous êtes capable de découvrir ce dont je suis en train de parler. Vive! Ce héros non chanté. Est-ce que c'est le barbu avec la broue? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le gars avec une tête verte? C'est beau, hein? Ça, c'est un film de l'ONF, ça? Ouais. C'est une pédagogique. C'est deux acteurs qui sont en train d'acter. Ouais. Claude Legault qui joue là-dedans, je pense. Hein? J'aime ça, le bruit des portes. Stresse la bouche quand t'as fini de brosser tes dents. On a vu le héros, là. On l'a vu. Pas beaucoup. Il y a des clips qu'on va mieux le voir qui s'en viennent ensuite. Mais est-ce qu'il y en a ici qui ont un guess de quel héros du cinéma de genre on est en train de parler? Évidemment. Les gens le prennent pour acquis. On est en train de parler du panneau de lumière. Comment que c'est beau en background, des lumières qui clignotent. Hein, ça fait science-fiction. Là, t'as comme un rack de 9 lumières comme ça, 3 comme ça, 2 qui dépassent en bas. Puis c'est normal que les 9 en haut, ils brillent. C'est normal qu'il y en ait 3 qui brillent, une qui clignote pas, une fermée, 3 qui brillent. S'il y a quelque chose qui coche là-dedans, tout tombe. On va écouter une autre séquence d'un beau panneau avec des lumières. Vous allez voir comment que ça rajoute de la vie puis comment c'est important au statu quo, au déroulement de l'action, les panneaux avec des lumières. Check, comment tu... Hey! Il y a des triangles, c'est original. Science-fiction! You'll kill us! This is the only room left. He's destroyed all the others. Master, you've got to let us stay. Les panneaux avec des lumières, hein? Ouais. Moi, je veux l'installer dans ma chambre à coucher. Ben, ça s'en vient probablement, anyway. Bientôt, les ordinateurs auront plus d'écran. Ça va être juste un quadrillé de lumière qui clignote, puis on va tout comprendre. Ça va tellement être simple. Pour la porn, là, c'est parfait. Ouais. Astique, c'est la science-fiction du futur de demain, hein? Ça, c'est que les belles lumières... C'est beau, ça. Ouais, c'est pas pire. C'est le démon étron. Avec la boule du futur, encore. J'ai vu un panneau de lumière. Il n'y a jamais de panneau de lumière à l'extérieur. Ça, c'est une loi sine qua non. Ouais, ils vont dans les bases. C'est caméra, on s'en fout. Oh non! Ah non, change, mets l'autre clip. Check ça! Check les beaux panneaux de lumière! Moi, ça, là, ça me fait vivre, ces panneaux de lumière, là. Ouais, puis vous remarquerez, il y en a souvent dans les films et on les prend pour acquis. Les panneaux de lumière ne sont pas là uniquement pour ajouter, ils sont là parce qu'il fallait mettre de quoi en arrière. Parce que c'est important. Et voilà. On peut peser sur certaines de ces lumières-là, puis ça provoque des effets. Sûrement. Puis là, on remarque qu'il y a comme un rack qui flash. Ça, c'est bien. Oui. Il y a ce rack-là aussi. Ça, c'est bien. Le rack pointu, ici. Là. Perdez-vous pas d'un laser et des yeux. Là. C'est pas ça qu'on remarque. Là. Et voilà, acting spécial. You'll soon be seeing one of the inhabitants of the planet you sent us to. Et un autre beau panneau de lumière de Cosmos War. Hey. Here's our guest. He looks terrific. C'est une autre belle lumière. Ici, William Shatner. Faut que tu tasses William. He seems like one of us. Il est content. C'est le fun, le monde content aussi. Et voilà, non, pause. Il y a, par contre, s'il y a le panneau de lumière qui fait partie des forces du bien, il y a également le panneau électrique qui fait partie des forces du mal. Dans un film, un panneau électrique, il ne faut jamais lui toucher. Ça aura beau être un rack de trois breakers, si tu y touches, tu mourres. Les panneaux électriques, surtout de dos, faut pas que tu recules de dos dans un rack de breaker. Tu mourres. Là-dessus, on a des beaux exemples ici de comment que ça marche, les panneaux électriques. Le dark side des panneaux de lumière, tu sais. Black Prince. Dracula. C'est bon, c'est parce qu'il est noir, puis c'est Dracula. Ouais, ah, OK. Ah, ouais. Sa mère l'a appelé Dracula. Là, je me rappelle pas trop quand il pitch quelqu'un dans un panneau électrique, là, mais touchez pas à un panneau électrique. Ça, la gravité, encore une fois, une des premières sources de décès. Et voilà. On l'a vu. Vous avez vu? Vite, il était de dos dans le panneau électrique, ça? Non, jamais. Tu peux passer le... Hey, hein? Non. C'est pas parce que c'était... panneau du feu, hein, encore merci. Non, vise, c'est-tu. Panneau électrique de secours. Et voilà. Intense. Acting. Qui va survivre? Celui qui était bien en jeans. Ça. Yish. On va aller parier, panneau. Asti. Comment tu fais pour donner un coup de pied dans la face à quelqu'un depuis que t'es couché sur le dos à terre? Ça prend quelqu'un qui est capable. Et voilà! Ça avait l'air de rien, ça, là. Mais on avait deux cadrans accrochés après du métal. On ne touche pas à ça. C'est le dark side du panneau de lumière, le panneau électrique. Et regarde comment il acte. Ça pourrait devenir une danse procédé. On va le voir tomber. On va voir à quel point il y avait... C'est Treat Williams, l'excellent commando Modified for Truth. En fait, c'est que je voulais vous montrer une des expressions que je trouve qui fait le moins de sens de la vie, c'est l'exception qui confirme la règle. Et autant les panneaux électriques sont partis du côté obscur, il y en a quelques-uns quelquefois, où en fait, il y a seulement lui, seulement cette fois-là, qui en vient à un moment donné à donner des pouvoirs à la personne. Ce n'est pas vrai que ça marche comme ça. Non. Les panneaux électriques sont dangereux. Ils ne donnent pas de pouvoir. Ils ne donnent pas de pouvoir, exactement. C'est Bennett, alias Vernon Wells, et voilà. Dans le panneau électrique, vous avez vu? Faut pas toucher à ça. J'écouterais ça sans air. Il est en train de discuter. Mais bon, il est tombé dans le panneau électrique, puis là, il avait même pas le bout qui redevenait plus fort. C'est le clip que je t'ai donné, ça n'existe pas. Wow. Tu vois, même Internet veut pas que ça existe. Fait que watchez-vous avec les panneaux électriques. Puis quand vous voyez un panneau de lumière en arrière, là, un petit peu de respect pour les affaires de ceux qui flashent puis qui font que c'est important ces choses-là. Là-dessus, Étienne, veux-tu nous mettre une dernière toune avant qu'on laisse la tribune à la prochaine activité? Y a-t-il la boisson ici? Sinon, à 70%, on fait ça à douteux.tv tous les lundis soirs. C'est en archive tout le temps, puis c'est gratuit sur le net. Là. C'est www.douteux.tv. TV. Point la là. Télé des délaissés. On a même un kiosque douteux.org à l'autre bout du couloir là-bas. Ah oui, convergence à fond. Puis tantôt à 18h, 18h30, je vais faire un cours de d'introduction au doute en culture. Ça veut dire qu'on va projeter des clips de Ninja, puis ça va être super drôle. C'est ça. On met un titre pédagogique pour la subvention. Et voilà, c'est important, comme Arthur. Hein? Là-dessus, ouais, voilà. Vas-y, man. Oui, je mets une autre toune. Vous connaissez peut-être déjà Philippe Catherine, qui est quand même semi-connu. La banane, entre autres. Et puis, il a fait une toune intéressante qui s'appelle Musique d'ordinateur. Donc, je trouve que c'est approprié pour la foule ici. Ça va finir le soir. Ouais, ça commence comme ça. Ça, c'est Brian Eno qui a composé ça. Hein? Ah ouais. Tous les bruits Windows, c'est Brian Eno qui les a composés. Ça, c'est Philippe Catherine. Ça, c'est Philippe Catherine qui s'est dit c'est de l'art. C'est pour vendre des albums. Puis là, regardez lentement. Il y a une toune qui s'installe. C'est tiré de cet album-là. C'est ses vrais parents sur la photo. Ils sont contents. C'est un des concepts de prendre les parents d'un autre. Les parents qui ont plus l'air parents, mettons. Il y avait plus de... Tu voulais dire que ça te tentait pas d'en passer une dernière, toi, dans le fond. Voilà, mais ça continue. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté cette édition de 70% live, l'émission de ceux qui donnent le strict minimum. Et si vous vous rendez compte que dans votre vie, vous visez plus que le C+, ben, c'est parce que vous visez pour le démon et ailleurs. Merci. Non, ouais, c'est bien dit ça. Merci, bonne fin de journée. D pour diplôme.